voler au ciel. Dans un monde irréel, qu'apparaît tout seul, c'est vrai. Et qu'un délire, qu'un bagage consigné, qu'un bagage oublié, il est posé là, c'est vrai. Si on récoche. Téléphonez-moi, pénis-moi.